Bonsoir petits et grands, ah, quel plaisir de vous retrouver. Et oui, nous étions absentés, le professeur était, on va dire, occupé à préparer je ne sais quoi, mais apparemment c'était intéressant. Là j'ai encore une fois le micro qui essaie, vraiment, voilà, alors attendez, là je resserre les deux vis et voilà, comme ça, ça va plus trembler. Et oui, la technique, toujours la technique, on devrait m'appeler Joe la technique. Et donc oui, alors j'en étais au professeur, donc le professeur, oui, il s'est retiré en fait pendant quelques semaines, donc d'où son absence, quelques rediffusions, pardon, d'émissions, mais voilà, je sais que vous êtes encore là, et ouais. Là justement, ce soir, je pense qu'on va vous pousser le plus loin qu'on vous a jamais poussé. Enfin, on verra bien comment ça va se passer. Je vais vous raconter pourquoi. Donc, le professeur s'est retiré et il s'est dit, oui, non, il faut qu'on fasse dans le concret, c'est bien beau, toutes ces histoires, là, faire des trucs fandango, machin, et tout le délire, tout le monde qui rigole, mais la musique, c'est un truc sérieux. Voilà, c'est super sérieux, il y a des scientifiques, il y a des gens qui pensent la musique. Donc, et le professeur est très, très friand du fruit de leur pensée. Voilà, lui-même est un piètre scientifique, mais par contre, pour ce qui est d'apprécier le travail des scientifiques en musique, alors là, il est champion. Du coup, il s'est enfermé, voilà, il a compulsé tous ses trucs, et il m'a sorti une sorte, alors pas une playlist, hein, parce qu'il m'a dit, oui, tu es libre, fais ce que tu veux avec, tu comprends, exprime-toi. Voilà, bon, du coup, on va faire façon freine. On va s'exprimer pour votre plus grand plaisir ou peut-être déplaisir, mais bon, si vous fermez le poste, je ne vous en voudrai pas, mais vous raterez peut-être quelque chose. Allez savoir, en toute modestie, hein, parce que attention, là on s'attaque à du lourd. Donc voilà, donc ce soir on va faire du concret, donc de la musique concrète. Vous voyez, le professeur, il va très vite quand même, hein, dans ses connexions dans les synapses, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, on va faire un petit mélange, donc ça c'est un mot qui revient souvent, qui est dur à éliminer, vous savez pas ce que c'est, vous. Bref, donc donc on va faire dans le concret, mais on va quand même, je vais quand même essayer de l'agrémenter, il m'a laissé libre un peu pour ça, de choses un peu plus, comment dire, humaine, ça serait un grand mot, mais c'est plus qu'humain, mais voyez, enfin un peu plus, voilà, qui vont vous aider à supporter tout le reste. Mais c'est le mélange des deux qui est important. Rappelez-vous, de toute façon, dans la vie, tout ce qui est important, c'est de se mélanger. Le reste, c'est que des foutaises. Donc, pour pas vous prendre quand même trop dur à froid, on va, voilà, attaquer tranquillement avec un morceau qui symbolise en fait l'état d'esprit dans lequel vous devriez être. Stop. su di te. Abbiamo cercato di attraversare quella strada e per terra c'è il porfido e siamo scalzi. I piedi fanno un po' male. I razzi sono chiari, riflettono molto la luce. আপনি ছাতে সবাই পড়ে ইঁদুর মারা কল রয়েছে জগৎ মানুষ মারা কল রয়েছে জগৎ না না না ইঁদুর মারা কল রয়েছে জগৎ মজার কল কলে ধরে কত বল স্বর্গ মত পাতালাদি করে দশাচল আবার লুভি কামি কলে পরে এবার লুভি কামি কলে পরে প্রাণ হারায় উঠছে নদী মারা মানুষ মারা কলে রয়েছে জগৎ সে কলের নামে নত মুখী ওগোতার তত্ত্ব বলবো কি ওই চাপা কলে পড়ে যা জন্ম এ কলের নামে নত মুখী ওগোতার তত্ত্ব বলবো কি ওই চাপা কলে পড়ে যা জন্ম আমি সাজন ভজন সব হারাইলাম আমি সাজন ভজন সব হারাইলাম ওই চাপা কলে পড়ে মারা মারা কলে সে কলে যোজনা ব্রহ্মাদার সন্ধান জানে না জানে কি না জানে ভাই বলতে পারে না তারা বলতে পারে Let's go. Ferme les yeux. Je voudrais les fermer avec mes lèvres, mais la fenêtre s'ouvre et le vent qui balance bizarrement, la flamme et le drapeau entourent ma fuite de son manteau. La fenêtre s'ouvre, ce n'est pas toi. Je le savais bien. J'étais prête à m'amuser, à partager toutes vos joies. Oui, j'étais bien auprès de vous et voilà qu'il faut que je parte. J'ai l'impression d'aller dans un autre monde. C'est triste la vie quand on doit quitter ses bons amis. Oui, c'est triste de quitter ses amis. J'étais prête à pleurer, à partager vos ennuis. Oui, j'étais bien auprès de vous et voilà qu'il faut que je parte. J'ai l'impression d'aller sur une autre planète. Rouge. Rojo del Vaticano, rojo chino, rojo inglés, rojo geranio, rojo vermelión, vermelión claro, rojo brillante, vermelión solferino, rojo permanente, rojo permanente, bright red. Thank you. quelle diversité, qu'importe le générateur, j'ai. Objet qui, à son tour, en engendrera bien d'autres. Faut-il ajouter que ce compositeur ne verrait rien arriver du tout sur son chantier, de banal et de vulgaire, s'il ne fabriquait ses matériaux lui-même en toute originalité. Pour apprivoiser ainsi les sons électroniques, il faut être, comme Bernard Parmigiani, non seulement musicien, mais tout autant ingénieur du son. Mais d'autres matériaux conduisent à une plastique musicale, à des agencements qui ressemblent à ceux d'une architecture, à des formes sculpturales. D'immenses objets, merveilleusement calculés, s'imposent à notre contemplation. Thank you. tournée, se trouve sur la face avant à droite. À partir de maintenant, gardez le même petit cube central devant. Faites la même chose dans les deux cas. Tournez la face droite en avant, donc vers vous, la face de dessous à droite, la face droite en arrière, la face de devant à droite, la face de dessous à droite et la face de devant à gauche. Le petit cube que vous aviez choisi et qui se trouvait sur la face de devant à droite s'est retrouvé à la même place qu'au début. N'ayez pas peur en voyant que les deux étages inférieurs se trouvent en désordre. On arrangera cela plus tard. Mais gardez le même petit cube central devant et bien sur la face blanche en dessous. Tournez la face supérieure pour que mon cube. Dans la machine à son, n'est-ce pas? Eh oui. Thank you. D'autres exemples de musique de percussion. La première est l'œuvre d'un enfant de 6 ans, la seconde celle d'un musicien professionnel d'Afrique noire. Himmel links und rechts klar. Der Wind ist links und rechts klar. Links. mystérieusement identique à la note originale, cette portion de note coupée de son début présente à l'oreille exactement le même caractère d'attaque. Et quoi ? Le marteau n'a-t-il pas frappé la corde une seconde plus tôt ? Par quel tour de passe-passe le réentendons-nous ? Autre expérience. Recommençons à amplifier ce son largement après son attaque. Allons-nous retrouver le même phénomène ? On n'ose plus faire de pronostic. Ici, tout se passe normalement. On a bien pu isoler temporellement, sinon toute l'attaque, puisqu'il reste une attaque secondaire, une pseudo-attaque, du moins la partie la plus voyante de l'attaque. La voici cette fois, localisée à l'instant initial, correspondant avec réalisme au moment où le battant a frappé la cloche. Essayons sur une cymbale feutrée. পথে যাব ভাই পথ দেখাবে কি শ্যাম সুন্দর মদন মোহন বাঁশির সুরে ভুললো ভুবন শ্যাম সুন্দর মদন মোহন বাঁশির সুরে হলো ভুবন ওরে আমার বধি শ্রবণ বধির শ্রবণ অন্ধ নয়ন বুঝাই কাকে পথ দেখাবে বৃন্দাবনের পথে যাব ভাই পথ দেখাবে বৃন্দাবনের পথে যাব ভাই পথ দেখাবে কি What? شام سوهاگی حته یامار کسی نام کسی نام بیچه چنگار নীল যমুনার এ পার উপার আহা নীল যমুনার নীল যমুনার নীল যমুনার নীল যমুনার নীল যমুনার এ পার উপার দেখো কত মধুর ছবি আঁকে পথ দেখাবে গে নীল যমুনার এ পার পার কত মধুর ছবি আঁকে পথ দেখাবে গে বৃন্দাবনের পথে যাব ভাই পথ দেখাবে গে কে কার রবে ময়ূর ডাকে কে কার রবে কে কার রবে ময়ূর ডাকে ওই দিকে কি এই দিকে পথ দেখাবে আপনের পথে যাব Thank you. right. You should be ashamed, baby. Hang your head and cry. Eh bien, la machine à son, c'est incroyable. Et oui, le professeur et moi n'en revenons pas. Il s'est passé quelque chose. Ouais, ça doit être ça. La mano de Dios. En tout cas, ça a été un réel plaisir quand même de vous transporter, je l'espère, pendant cette petite heure. Et oui, il ne reste plus que quelques minutes. Même pas. Donc, vous dire ce qu'il y avait ce soir, je vais vous citer tout dans le désordre. Et vous vous débrouillez. Il y avait Monique Jean avec un haut-parleur dans le désert, Michel Bokanowski avec Tabou, Élise Marie Pad avec L'Idélis, Christophe Carole à l'ombre des ondes, The L'Appétit avec Birken, Les Scanners, Run Diddy Run, un peu de Pierre Schaffer, Les Fous du Bengale, Vivenza, un truc chelou, les Animals pour finir, enfin voilà, que des trucs. Donc par contre, ce soir, vous avez bien compris, vous n'avez peut-être pas compris en l'écoutant, remarqué, mais vu les noms que je viens de dire. Eh bien, il y avait une grande place pour les compositrices de musique concrète, électro-acoustique, tout ce qu'on veut. Parce qu'en fait, on ne les connaît pas tellement. Et bien là, du coup, j'espère leur avoir rendu. Alors, non pas hommage, parce que moi, je fais des trucs un peu bizarres avec leur musique. Mais au moins, j'ai cité leur nom dans la machine à son. À la semaine prochaine. Et bien évidemment, vous êtes toujours dans la machine à son. Sur Radio Campus Montpellier, pardonnez-moi. Je ne sais pas partir.